Avant d'aborder les deux livres bibliques d'Esdras et de Néhémie, il convient de rappeler certains faits historiques. Autour de l'an 700 avant Jésus-Christ, Ésaïe le prophète écrivit de la part de Dieu, Ésaïe chapitre 44, verset 28, « Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem, qu'elle soit rebâtie, et du temple, qu'il soit fondé. » Prophétie plutôt surprenante, à une époque où Jérusalem n'était pas détruite, et où le culte de l'Éternel était régulièrement célébré au temple de cette ville. Mais le Saint-Esprit lui-même, connaissant à l'avance l'invasion chaldéenne et ses conséquences, inspira Ésaïe à prédire non seulement la reconstruction de Jérusalem et du temple, mais le nom du premier souverain de l'Empire des Mèdes et des Perses qui ordonnerait cette reconstruction. Autour de l'an 605 avant Jésus-Christ, soit un siècle plus tard, Nebuchadnezzar, roi des Chaldéens, vint assiéger Jérusalem pour la première fois et emmener des prisonniers. À cette époque, Jérémie prophétisa que la captivité à Babylone durerait 70 ans. Quelques années plus tard, il y eut une seconde déportation vers le pays des Chaldéens et enfin, en 586, Jérusalem fut conquise, le temple de Salomon fut brûlé et Sédécias, le dernier souverain de Juda, fut fait prisonnier. De puissants rois se succédèrent sur le trône de Babylone. Mais, en 539, Cyrus, le général de l'armée perse, s'empare de la ville. En 538, il est acclamé empereur des Mèdes et des Perses. Alors, et probablement à son insu, ce monarque païen devient un instrument entre les mains de Dieu. Les premiers mots du livre d'Esdras racontent comment les prophéties d'Ésaïe et de Jérémie se réalisent à la lettre. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Suite à la proclamation de l'empereur Cyrus, près de 50 000 Israélites quittèrent les rives du Tigre et de l'Euphrate sous la conduite du gouverneur Zorobabel et retournèrent en Palestine. Esdras, chapitre 2. Fort de l'autorisation de l'empereur Cyrus, ils se mirent à reconstruire le temple. Esdras, chapitre 3. Cependant, les adversaires des Juifs s'opposèrent aux travaux et les firent interrompre pendant près de 15 ans. Esdras, chapitre 4. Aux environs de l'an 520, les prophètes Aggé et Zacharie exhortent les fils de la captivité à reprendre leurs tâches. Les ennemis d'Israël font alors appel à l'empereur Darius le Grand pour qu'il use de son autorité et fasse cesser la construction du temple. Darius fait des recherches dans les annales, y retrouve l'édit de Cyrus et le confirme. Esdras, chapitre 5 et 6. Plus rien ne peut donc empêcher la réalisation du plan de Dieu et, en l'an 515, les fils de la captivité célèbrent la dédicace du temple à Jérusalem dans la joie et la louange à l'Éternel. Près de 50 ans s'écoulent. Nous assistons alors à une nouvelle migration. 1750 Israélites quittent la région de Babylone pour se rendre à Jérusalem sous la conduite d'Esdras le sacrificateur. L'empereur Artaxerxès a remis à Esdras des autorisations spéciales pour qu'il exerce ses fonctions sacerdotales et qu'il obtienne des habitants de la région les fournitures indispensables à l'exercice du culte de l'Éternel. Les derniers chapitres du livre d'Esdras relatent les diverses réformes entreprises par ce serviteur de Dieu dans les années 460 à 450 avant Jésus-Christ. les récits du livre de Néhémie font suite aux événements racontés par Esdras. En l'an 446 avant Jésus-Christ, de mauvaises nouvelles parviennent à Néhémie, qui est alors échanson de l'empereur Artaxerxès dans la ville de Suse, capitale des Mèdes et des Perses. Jérusalem est en piteux état. Néhémie en éprouve un grand chagrin et sa tristesse n'échappe pas à l'attention de l'empereur. Aussi est-il revêtu du pouvoir de gouverneur et obtient-il d'Artaxerxès des autorisations écrites pour reconstruire non pas le temple cette fois, mais les murailles de Jérusalem. Néhémie, chapitre 1er et chapitre 2. Néhémie est un meneur d'hommes. Il mobilise les fils de la captivité qui, avec enthousiasme, s'unissent pour reconstruire les murs de la ville. Néhémie 3. Mais la réaction ne se fait pas attendre. Néhémie 4, 5 et 6 racontent tous les complots que les Juifs durent déjouer avant d'achever leur travail. Puis Néhémie le gouverneur et Esdras le sacrificateur sont les instruments de Dieu pour un véritable réveil spirituel. L'Esprit de Dieu agit au sein des fils de la captivité. Les offices du temple sont restaurés, la loi est enseignée aux Israélites, les Lévites chantent les louanges de l'Éternel. Néhémie 7 à 12. Puis, le gouverneur Néhémie doit retourner à la cour impériale où Artaxerxès l'attend. Toutefois, l'empereur ne tarde pas à déléguer à nouveau Néhémie à Jérusalem. Or, pendant son absence, un certain désordre s'est installé et Néhémie doit user de son autorité pour chasser les ennemis des Juifs et rétablir les fonctions sacerdotales des Lévites. C'est le thème du dernier chapitre du livre de Néhémie. La reconstruction du temple, sujet du livre d'Esdras, et des murailles de Jérusalem, sujet du livre de Néhémie, comporte un message très actuel pour nous croyants du XXe siècle. Comme Néhémie avait réussi à mobiliser les forces de tous les habitants de Jérusalem pour que chacun construise une partie de la muraille, Jésus-Christ, chef de l'Église universelle, appelle tous les croyants à faire leur part dans la construction de cet édifice spirituel. L'apôtre Paul écrivait aux Éphésiens : « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 20 à 21. Et dans la même épître, Éphésiens, chapitre 4, verset 16, nous lisons « C'est de Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Un parallèle peut donc être établi entre les constructions élevées il y a 24 siècles que nous racontent les livres d'Esdras et de Néhémie et celles de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Aussi est-il normal que nous nous laissions instruire par les expériences faites à ce moment-là. Les ennemis d'Israël usèrent alors de trois méthodes : la moquerie, l'attaque ouverte et l'infiltration. Premièrement, la moquerie. Nous lisons Néhémie chapitre 4, versets 1 à 2. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie : À quoi travaillent ces Juifs impuissants ? Les laissera-t-on faire ? Sacrifieront-ils ? Vont-ils achever ? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu ? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et lui dit : Qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Aujourd'hui, Satan défie les constructeurs de l'Église du Seigneur. Il veut les décourager, envoyant contre eux des calomniateurs. Ou bien, deuxième méthode, c'est l'attaque ouverte. Dans les pays où la liberté de conscience n'existe plus, l'Église persécutée en sait quelque chose. Les ennemis de Dieu se liguent contre les croyants exactement comme le firent les adversaires des fils de la captivité. Constatant la poursuite des travaux qu'ils n'avaient pas pu empêcher, ils réagirent. Nous lisons. Ils furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Néhémie, chapitre 4, versets 7 à 8. Troisièmement, la méthode la plus subtile, l'infiltration. Néhémie 6 nous montre que les adversaires des fils de la captivité s'introduisirent dans la ville pour décourager le peuple et comploter contre Néhémie le gouverneur. Ils cherchèrent même à le séduire et à le calomnier, nuisant ainsi à sa réputation. Aujourd'hui, il en est de même. Satan use de diverses méthodes. Lorsqu'il a échoué dans l'attaque ouverte, il emploie une tactique plus dangereuse. Il se glisse à l'intérieur et introduit dans l'Église la mésentente, les critiques, les compromis, les séductions spirituelles. Quel moyen efficace pour entraver l'œuvre de Dieu! Oh, que Dieu suscite aujourd'hui des hommes et des femmes de la trempe de Néhémie qui sauront discerner les pièges et réagir de la bonne manière, comme Néhémie avait réagi. Nous citons. Je regardais, et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets, et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Néhémie, chapitre 4, versets 14 à 15. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul tient un langage semblable lorsqu'il écrit aux Corinthiens. Mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Si aujourd'hui Dieu vous appelle à construire pour lui, ne vous découragez pas. Discernez les ruses de l'adversaire, déjouez ses attaques et persévérez en vous appuyant sur la promesse. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 37. Et que Dieu vous bénisse.